Sont-ils des geeks ? Sont-ils fanboys ? Sont-ils des otaku ? Bienvenue dans l'émission Les Potes Calés. Animé par Teddy et Fabien. Actu pour revenir principalement sur les derniers trailers qu'on a pu voir et aussi quelques films qu'on a visionnés durant le mois de juillet. Donc en mois de juillet, il y a eu pas mal de trailers parce que du coup, du fait qu'il y a eu le Comic Con, donc comme je dis, il y a tout son lot de trailers qui arrivent avec. Et on va commencer par le trailer de un trailer qui était très attendu et c'est celui de d'Aquaman pour commencer. Il n'y a qu'une seule façon de sauver la paix. Tu dois prendre ta place de roi légitime. Crois-moi, j'ai rien d'un roi. Moins tu réfléchis avant d'agir et mieux tu agis. Donc Aquaman qui est réalisé par James Wan avec dans le rôle principal Jason Momoa. Jason Momoa qu'on avait vu d'ailleurs dans Justice League, déjà dans son costume de roi d'Atlantis. Et là bah c'est un peu une origin story avec il va revenir aux sources. Dans ce trailer on découvre une Atlantis plutôt belle, fast, avec quelques plans avec des poissons qui sont surarmés et un peu dans le genre bah ouais ça fait très comic book ce trailer. Et puis bah il y a le conflit comme d'habitude, c'est entre les Atlantes et qui veulent apparemment s'approprier la Terre. Et moi j'étais super emballé malgré que bon il y a beaucoup de CGI, mais on s'y attendait. Mais au niveau personnage, on retrouve Mera et on voit Atlana qui est jouée par Nicole Kidman, donc Mera qui est jouée par Amber Heard. Il y a aussi un plan avec quelques plans avec Patrick Wilson qui incarne Orm, le maître des océans. Voilà quoi, moi j'ai super emballé. Donc le film sort le 19 et je te laisse la parole quoi. Donc moi je suis un peu moins emballé, je suis pas je suis pas impatient d'aller le voir, hein. C'est quelque chose que j'ai pas trop envie de rater non plus, mais d'après ce que j'en ai vu dans les images du trailer, voilà, c'est du DC quoi, c'est ouais. Les méchants d'un côté, le bien de l'autre, le héros qui va devoir s'accomplir tout seul, hein, en gros il va devoir trouver sa destinée, il va l'embrasser et il va devenir le maître des océans quoi. Enfin il y a pas grand chose qui m'a surpris dans le trailer. Je sais pas si tu connais un petit peu l'univers d'Aquaman, mais bon de toute façon c'est une origin story, donc il va pas y avoir vraiment de surprise. Je crois que le scénario est finalement très balisé, mais on peut s'attendre quand même à un bon divertissement, enfin quand même meilleur que les derniers films d'ici qu'on a pu avoir comme Justice League ou Batman vs Superman et un Suicide Squad de triste mémoire, je veux dire. Bon, visuellement moi ça m'accroche. Maintenant faut voir ce que ça donne sur grand écran quoi. Oui, puis faut voir comment ils mettent un peu l'univers d'Aquaman, qui est pas c'est pas l'un des plus faciles à tourner, hein. C'est quand même un milieu sous-marin. On a un peu plus de mal à se projeter dans les personnages, forcément des hommes poissons quoi. Bon, après les scènes de baston ont l'air quand même bien tourné au niveau des CGI, au niveau des trailers de ce qu'on nous a montré, notamment ce passage avec cette bête préhistorique là qui commence à tout bouffer, qui mange tout le monde ouais, qui mange tout le monde avec Ocean Master en train de la diriger quoi. Puis voilà, ça a l'air de partir pour un divertissement bien bourrin, et puis aussi ayons un peu pitié de cet Aquaman et puis essayons de le découvrir quoi. Ça me fait penser un peu à ça ce trailer. Par contre, j'ai du mal à savoir s'il va se dérouler avant ou après les univers de Justice League. En fait moi je pense que déjà il y a une partie la partie jeunesse, c'est avant, hein, ça c'est obligé. Quand il reprend le trône d'Atlantis, c'est vrai que dans Justice League on sait pas bien s'il est roi d'Atlantis en fait, hein. Mera lui dit qu'il délaisse un peu ses responsabilités, donc j'ai quand même l'impression que ça se situe après Justice League quoi, quelque part. On a fait le tour, hein, pour ce trailer. Ouais, tu veux ajouter quelque chose? Ouais, la présence de Black Manta. Ouais, aussi on avait oublié Black Manta, ouais, avec ses rayons rouges. Ouais. C'est pas un méchant très connu, hein, quand non. même, de l'univers DC. Un peu dans l'univers Justice League Unlimited ou Young Justice, où on nous parle déjà un peu plus de Black Manta. Mais sinon, c'est pas l'un des plus connus des méchants. Sachant que, dans l'univers DC, ça dépend. Au début, c'est un méchant à la con, hein, c'est-à-dire c'est un méchant qui est là pour être méchant. Mais dans les nouveaux remaniements depuis les New 52, c'est plus un. Qui veut un peu comme Luthor, quoi, qui veut empêcher la suprématie d'un peuple dont il a peur. D'accord, ouais, ça peut être intéressant s'ils exploitent ce filon-là. Mais ouais, Black Manta, le design est un peu particulier. T'as une espèce de grosse tête avec des yeux rouges. Bon, je me suis dit, ouais, comment ils vont adapter le personnage, parce qu'en comics, ça passe, mais dans la réalité, faudrait voir. Mais à l'écran, je trouve qu'il est assez menaçant pour le peu qu'on le voit, quoi. Ouais, à mon avis, ça va pas être le méchant principal. Non. Hein, je pense que c'est Orm, le problème. Ouais, puis, moi, je vois, on peut peut-être spéculer, moi, je vois le coup arriver que, comme dans les BD, qu'Aquaman et Ocean Master vont s'allier pour Black... Contre Black Manta, ouais. Ce qui arrive souvent ouais. Puis moi, dans les comics. Puis moi, il y a un acteur que j'aime beaucoup, je sais pas si tu connais cet acteur, c'est, on le voit vraiment très bref dans la bande-annonce, c'est Willem Dafoe, qui jouait d'ailleurs Norman Osborn dans le premier Spider-Man. Et moi, j'aime bien beaucoup cet acteur parce qu'il est talentueux, mais là, c'est il incarnera Vulko, qui est en fait le mentor d'Aquaman. Un petit peu de trivia vers la fin, et on va passer à un trailer qui, toi, je suis sûr, t'as super emballé, c'est le roi des monstres, quoi. En fait, Godzilla 2, donc King of Monsters, hein, donc le roi des monstres, ouais. Y a pas à dire, hein, le titre, on a compris, quoi. Ça part un peu dans un bestiaire où on balance des kaijus plein la gueule à la Pacific Rim, quoi. Ça fait un peu bizarre dans le trailer. Donc, dans ce trailer, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a Gamera, hein, pas confondre avec Gamora, hein, c'est pas pareil. Donc, une tortue géante, hein. Ouais. Elle a l'air très gentille, cette tortue, d'ailleurs. D'ailleurs, ouais, hein, Gamera, c'est un peu comme Mossoula, hein, c'est le protecteur de l'humanité. D'accord. Mossoula, donc Mothra, c'est le papillon géant qu'on voit aussi dans le trailer. Qui déploie ses ailes, c'est assez impressionnant d'ailleurs. Ouais, elle est super bien faite hein, quand il déploie ses ailes. Je pense qu'après, on peut aller dans la salle, on le voit déployer ses ailes, on peut se barrer, on a vu le reste. Si, on n'a pas vu King Ghidorah, mais bon. Ben, on voit Rodan, le ptérodactyle là, géant. Je trouve qu'il y a un problème au niveau visuel parce que c'est pas très bien fait. Et parce qu'on, bon, apparemment, il sort d'un volcan, le monstre, et il est en train de cramer toute une ville avec son passage. Il a le feu au cul pendant tout le trailer, en fait. C'est ça, et je trouve qu'au niveau CGI, c'est pas terrible. Mais bon, celui qu'on attend le plus, c'est quand même le dragon à trois têtes, quoi. Voilà, King Ghidorah qu'on voit, je vais dire, à la Galactus, c'est-à-dire dans un nuage de fumée. Mais c'est super impressionnant, quoi, je trouve. Rien que cette ombre. Teasing, hein. Faut quand même se rappeler que c'est un premier teaser et que... Et on y voit aussi Godzilla, on a oublié le principal. Ouais, ouais. Alors toi, tu disais, ouais, il est pas terrible, la texture, ça va pas. Mais moi, j'ai trouvé qu'il est super crédible, quoi. En y regardant de plus près, hein. Faut que j'arrête de regarder mes vidéos en 480p. Surtout sur un petit téléphone, pas un portable, ouais. Donc, ça, c'est la misère de tout regarder au boulot. Ouais. Mais sinon, Gamera, qui aura pas un rôle principal, hein. Je pense que ce sera juste une jonction avec... aussi un personnage, le petit gosse, qui va être une sorte de mutant capable de communiquer avec les kaijus, à mon avis. Tu parles de la jeune fille qui joue dans... La jeune fille qui qu'on voit dans le trailer? Ouais, elle a l'air de communiquer avec Gamera, donc cette actrice qui joue dans Stranger Things, qui s'appelle Millie Bobby Brown, et il y aura aussi Vera Farmiga dans la distribution, et puis on a aussi un petit caméo de Ken Watanabe, qui était d'ailleurs apparu dans le premier Godzilla en tant que scientifique, quoi. Ouais, celui qui disait « Let them fight, let them c'est fight ». C'est ça, donc il va revenir, puis il va dire la même chose, en fait. « Let them fight », mais à part que là, ils vont être 4-5 à sweeter, mais bon. Ouais, moi j'en attends quand même... T'es impatient quand même. Je suis impatient, mais j'en attends pas plus que ça, hein. Ça va, je le connais. J'espère qu'ils feront pas les mêmes erreurs que dans le premier Godzilla. Ah oui, parce que le film est hyper bavard. Non, puis nous montrer une jambe, après une queue, après après une gueule. Ouais, mais ça, et juste à la fin, le monstre géant, quoi. Ça, c'est... Ouais, c'est ça. C'est une erreur qu'ils avaient pas reproduit dans King Kong. Dans Skull Island, on voyait King Kong tout de suite, quoi. On voit le bestiau en entier, c'est clair. Et on voit surtout Jackson qui cabotine, mais ça, c'est autre chose. Mais après le trailer, on sait pertinemment que Godzilla va pas crever, hein. King Kong contre Godzilla qui va arriver. Puis t'as même Godzuki, mais ça, c'est autre chose. Mais d'ailleurs, on parlera de Monster Planet tout à l'heure. Bah, on va passer à un autre tout à l'heure parce que. Bah non, moi juste, je vais pas dire, en fait. Vas-y. Oui, forcément, je suis impatient d'aller le voir. Ah oui, parce que toi, t'es fan de Kaiju. C'est juste que je suis parti pris. Hein. Ouais. Moi, vous mettez des bestioles qui se tapent dessus, forcément, je vais aller le voir. Hein, d'accord. On a tout compris. D'ailleurs, vous pouvez réécouter notre émission spéciale Godzilla en deux parties, où Teddy vous explique un peu toute la mythologie qui est autour de Godzilla, où on traite les différents supports où le monstre est apparu. Et donc, moi, voilà, je vous conseille d'aller voir le film qui était déjà sorti. Godzilla King of Monsters, le film japonais, parce que ça a l'air d'être en fait un gros remake de ça. Ouais, c'est ça, c'est un remake avec des meilleurs effets spéciaux sans doute. Ah bah ça va être dur de faire pire que les effets spéciaux. Et puis pire que Godzilla vs King Kong, je crois que trailer suivant. Moi j'ai envie de parler de celui qui est passé le plus récemment. C'est un monstre aussi lui, hein, mais il est un peu particulier, c'est Venom. Vous êtes quoi, bordel? Nous sommes Venom. Alors Venom, il faut se rappeler que c'est le personnage qui a été co-créé par Todd McFarlane, même le créateur de Spawn d'ailleurs. Et puis il y a ce relent un peu Spawn dans la bande-annonce où Tom Hardy, on en sait un peu plus sur l'histoire, c'est-à-dire que il va Eddie Brock, donc c'est le personnage qui est apparu dans les Marvel, il va un peu fouiller dans le laboratoire secret du méchant qui est Carlton Drake, et ben il découvre qu'il fait des expériences et apparemment il va se choper un symbiote. Le symbiote, lui, au début il va croire qu'il est fou et qu'il est malade, mais il se rend bien compte qu'il y a un être qui vit en lui et qui lui donne des pouvoirs extraordinaires, et ça donne lieu à des scènes limite horrifiques, quoi, que ce soit la transformation avec le visage, avec les yeux blancs et cette énorme mâchoire avec cette énorme langue. Côté effets spéciaux, bon, il y a rien à dire. Moi je trouve que la texture visqueuse du personnage est bien rendue. Il y a vraiment ce côté effrayant de monstrueux, et il suffit de voir la dernière scène. Mais surtout il y a l'apparition d'un personnage qui s'appelle Riot, qui fait partie de la planète des symbiotes. Il y a quelques teasings. Il y a aussi cet asiatique qui lance des pics et qui peut un peu former avec son bras une espèce de lance, un peu comme le T-1000. Ouais, un peu comme Ben Reilly, sinon aussi, avec ces trucs qui sortent des bras. D'accord. Donc, moi, je suis assez positif dans la bande-annonce. C'est l'un des films de fin d'année que j'ai vraiment envie de voir, parce que j'aime bien le personnage, parce que mon Tom Hardy, moi, je trouve que c'est un excellent acteur. Maintenant, il y a quelques plans assez horribles, moi, je trouve, du style quand les symbiotes sont complètement déformés ou déphasés de leur hôte. Et là, c'est pas très beau. Enfin, moi, je te laisse exprimer ton opinion à ce sujet-là. Non, moi, j'ai hâte d'aller le voir. Un film qui va faire peur et qui va faire râler, moi je trouve, tous les fans, parce que il n'y a pas Spider-Man, il n'y a pas le logo, ouais, bah même sans le logo, etc. Et moi au contraire je trouve que c'est bien de sortir d'un univers pour créer quelque chose de nouveau. On peut être déçu, hein. Je pense que faut juger le film une fois qu'on l'aura vu et pas avant, comme il y en a qui font, pour dire il n'y a pas l'univers avec Spider-Man. Bah, mais c'est Venom, c'est pas Spider-Man, les mecs, hein. Donc on n'est pas obligé d'avoir un rapport à Spider-Man avant d'aller voir Venom, surtout que là le personnage d'Eddie Brock d'habitude c'est un gros salopard, et là ça l'aide juste, ça a l'air d'être un journaliste qui a besoin de faire sensation, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Un paparazzi de haut vol ou bien un truc dans le genre. Ouais, il est un peu minable, même, hein, dans son genre. Ouais, puis c'est bien de sortir du carcan et de se désencercler de ça, comme ça. Désolidariser du symbiote qui est apparu pendant les guerres secrètes, quoi, en fait. Voilà, puis là, ça me fait penser à l'agent Venom quand je le vois. Donc, ouais, vois, il a un peu le contrôle sur le symbiote, mais c'est le symbiote qui décide quand même. C'est ça qui est bien, c'est vraiment un film indépendant. Il y a les fans qui disent, il y aura peut-être un caméo de Tom Holland. Ouais, moi, je m'en fous de Tom Holland. Hein. Moi, ce que je veux voir, c'est Venom en action. Je veux voir Riot, je veux voir Carnage, je veux voir du symbiote, quoi, c'est tout. Le reste après, je m'en fous, quoi. Voilà, c'est bien de pouvoir se détacher de l'univers de la BD. Moi, je trouve que ça va personnellement pas gâcher le film s'ils ont bien réussi à tourner le truc, parce que des fois, faut voir. Voilà. Ouais, tant que ça gâche pas le film, sortez du carcan Marvel et puis faites un film qui nous plaît, quoi. Donc, toi, tu dis compare un petit peu les effets spéciaux à celui de Spawn, en fait. Non, pas les effets spéciaux, la texture de la bête. D'accord, le fait que c'est sa seconde peau qui s'évapore pour laisser un peu le visage apparaître. On avait un peu ça dans Spawn, hein, où tout le symbiote, lui, en fait, se transforme en de multitude de formes. Il est même réparateur dans les cas où son hôte est très blessé, parce qu'on voit quand même qu'il répare des os et tout. Ouais, moi je suis très emballé. Donc le film sort le 10 octobre et puis on a déjà pris nos places, quoi. Ouais, c'est réservé, hein. Là, Venom, ça a l'air bien parti pour être un bon film. Bon, on verra au moment qu'ils vont nous lâcher le reste, quoi. Il y a encore deux trailers. On va d'abord parler de Shazam. Il y a quelqu'un ? Prononce mon nom pour que mes pouvoirs se répandent en toi. Monsieur, je connais pas votre nom. Shazam, moi je connais pas du tout. Je sais que c'est un super-héros qui est vraiment apparu avant les autres. C'est le précurseur de Superman, apparemment. Superman a été copié sur Shazam. Hein. On parlait même à un moment, pour l'anecdote, d'inclure Shazam dans l'univers Superman. C'est-à-dire que Shazam aurait été aussi un kryptonien. Donc, voilà. Ça, c'est pas du tout le cas, vu que c'est une espèce de dieu mythologique, vu qu'il a les pouvoirs de six dieux, apparemment, parce que c'est, en fait, ça déjà les premières lettres de... Bah alors, le S, je serais plus vous dire, mais le H, c'est Hercule. Le A, c'est Arès, non, non. Le Z, c'est Zeus, le deuxième A, c'est quelque chose, et le M... Mercure. Mercure. Enfin, c'est le pouvoir des dieux, quoi. On le voit bien dans le... Et dans cette bande-annonce, donc, il est incarné par Zachary Levi. Et le gamin, c'est Billy Batson, parce qu'il faut savoir que Shazam n'existe pas sans Billy Batson. Billy Batson, qui est un gamin, qui a un petit peu, presque à l'adolescence, qui, pour appeler son alter ego adulte, il crie Shazam, un peu comme dans la série de 40. Et donc, il y a un côté un peu comique, déjà, à la base. Mais on voit que le Shazam, lui, il est pas très, il est pas vraiment adulte. Il s'amuse un petit peu à connaître la Terre des Hommes et ça donne un petit peu un côté léger et un peu décomplexé, quoi, finalement. Voilà, c'est pas comme l'alter ego de Thor, par exemple, c'est-à-dire que c'est un scientifique, etc. Il gueule Odin avec son marteau, ouais. Et devient Thor, quelqu'un de différent. Là, Shazam, non, comme dans l'univers Young Justice, etc., ça a beau être un gaillard, un héros, un machin, ça reste un gamin, quoi. Donc il a des comportements de gamin. Et puis, on voit que c'est un héros DC, mais c'est pas le DC, je veux dire, qu'on voit habituellement. Il y a plein de couleurs, il y a cette trailer, c'est pas sombre, on voit vraiment que c'est un peu le pendant pastiche de DC pour moi, et on a un peu le côté, finalement, qu'est-ce qu'il y a comme personnage léger chez Marvel? Il y a Ant-Man, je dirais, c'est un peu ce côté-là. Pas par le personnage, hein, là, mais par l'atmosphère ou le côté ouais, gamin, quoi. Vraiment le gars qui plaisante à chaque fois qu'il est avec un vilain, il monte les muses, tout ça, quoi. Ouais, puis quand il croise des autres super-héros dans l'univers Young Justice, il y a du mal à se contenir. Ouais, c'est machin, voilà, donc... Voilà, il y a que Bruce Wayne Batman. Oh merde, j'ai spoilé. Qui a réussi à trouver qui était Shazam, que c'était un gosse, quoi. Ouais. Et voilà, quoi. Dans l'univers DC, dans la Young Justice, par exemple, il y a même un moment, ils se demandent s'ils vont pas le dégager parce qu'il a qu'une dizaine d'années. Donc, ils se disent qu'il est pas mûr jusqu'à ce que Red Tornado lui dise, excusez-moi, moi j'ai que 5 ans. C'est un robot qui a été créé il y a 5 ans. Donc, pour montrer que, tu vois, il n'y a pas besoin d'avoir un âge spécifique pour être un héros. Ouais, peut-être. Ouais, ça va être plaisant, je pense. Ah, moi, je suis pas spécialement impatient d'aller le voir. Hein. Non, mais je pense qu'on peut aller le voir quand même. On va aller le voir, mais moi, j'ai l'impression que c'est un American Pie monté en super-héros. Ouais, c'est pour ça que je suis moins impatient. Je pense pas que ça ira jusque-là, mais. Voilà, les blagues sont pas terribles. C'est très léger, ouais, c'est. C'est assez gamin, tu veux dire. Ouais, j'ai pas l'impression que je suis le public visé quand j'ai vu le trailer. J'ai l'impression que c'est plus pour les gosses. Bah, on verra avec les différents trailers qu'on verra aussi. De toute façon, on va aller le voir quand même, ça reste du DC, mais je me sens pas spécialement visé par le trailer. Donc il est prévu pour avril 2019, il n'y a pas encore de date définie. Donc le dernier trailer cinéma, je veux dire, c'est Alita Battle Angel, donc l'adaptation de Gunim. Ce corps, je me sens relié à lui, je peux pas l'expliquer. Vous en savez plus sur moi que vous ne le dites. Il y a des choses qu'il vaut mieux oublier, Alita. Je les découvrirai toute seule. Alors moi, je vais revenir dessus tout de suite. Hein. Je t'avais dit au premier Alita Battle Angel, j'irai pas le voir, je vois pas l'intérêt. Ah, moi non plus, j'ai pas été très... Quand j'ai vu le premier trailer, j'ai dit bon, super, c'est un gun, pas spécialement au courant de gun déjà. Ça m'a pas donné envie de le voir au premier trailer. Et là, ils ont sorti un nouveau trailer. Là, je me dis, j'irai bien le voir quand même, quoi. Visuellement, ça en vaut. Ouais, puis t'as une histoire qui semble un peu plus complexe que ça. Donc, j'ai bien plus envie d'aller le voir. Puis t'as plein de personnages que tu connais pas, t'as envie de découvrir l'univers. Donc faut quand même rappeler que c'est produit par James Cameron, qui devait faire le film à l'origine, et réalisé par Robert Rodriguez. Bon, Robert Rodriguez, il a pas fait que des chefs-d'œuvre, mais il peut lui arriver de faire un bon film de temps en temps. Et je pense que Alita, ça peut le remettre sur les rails, et puis ça peut être un bon divertissement. Bon, ça fait toujours bizarre de voir cette fille avec ses gros yeux, quoi. Ça m'a moins choqué dans le deuxième trailer, ça faisait plus robot badass qui se bat contre des trucs, donc ça m'a un peu moins choqué. Dans le premier trailer, je voyais pas l'intérêt personnellement, Non, on va voir. Donc en plus qu'on connaît pas le très très bien l'univers du science-fiction, ce que je dirais. Et au casting, il y a Christoph Waltz qu'on a vu dans plein de films, dont Christoph Waltz, il était dans Le Frelon Vert, il était dans le Django de Tarantino. Généralement, il fait des méchants, mais là, il a l'air un peu plus crédible. Non, je pense que ça peut être bon. Il y a pas mal d'effets. Il y a certaines scènes qui font penser à du Matrix, des fois. Ouais, voire même du Ghost in the Shell. Ouais, c'est ça. Donc, on a un peu l'impression que des fois, ça pompe un peu sur tout ce qui est classique de la science-fiction, quoi. Ah, je dirais même classique du manga. Je suis pas allé jusqu'à classique de la science-fiction, tu vois. Je suis allé à... j'ai dit Ghost in the Shell, Matrix. On mélange tout, Akira, on voit ce que ça donne. Akira aussi. Je suis pas plus emballé que ça, mais j'irai le voir quand même parce que ça m'a un petit peu teasé, ce dernier teaser. Donc, pourquoi pas. On attendra de toute façon un nouveau trailer qui nous en montrera peut-être plus. Ce sera une semaine après Aquaman, vu que ça sortira le 26 décembre. Donc on a fini déjà pour notre partie trailer cinéma. On va s'attaquer au trailer série TV. Alors, petite sélection là, des fois. On va commencer par une série qui nous a un peu divisé vers la fin. C'est Star Trek Discovery. It's as if he'd run into a question he couldn't answer. Spock is linked to these signals. Donc ce nouveau trailer de la saison 2 qui devrait arriver en janvier 2019, il nous présente en fait un petit peu la fin du dernier épisode avec l'arrivée le Discovery du capitaine Christopher Pike. Oh tiens donc, un personnage de l'entreprise. Le fanboy parle tout d'un coup. Et donc on a quelques plans de l'entreprise, on a quelques plans... il n'y a pas vraiment d'intrigue qui est développée dans le truc. Hein. On voit qu'il y a une espèce de mission, on voit que Spock est apparemment absent du vaisseau. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais visuellement je trouve que ça en jette et voilà quoi. Bah moi j'ai pas été emballé. Pas du tout. Bah si, parce que voilà, visuellement ça en jette, mais ça nous annonce que ça quoi. Visuellement ça va en jeter. C'est tout ce que ça nous annonce. C'est vrai qu'il y a pas vraiment d'intrigue qui est annoncée. C'est vrai que c'est peut-être pas bien de savoir c'est qui le super méchant du premier coup, mais voilà quoi. C'est avant on savait que voilà il y avait les Klingons, donc les Klingons c'est un peu pas très facile à vivre. Tyler le retour. Donc voilà, on se disait voilà, il va avoir des conflits avec les Klingons et puis. Mais là, on nous dit, regardez, il va y avoir des scènes d'action, point. Ouais, c'est vrai que c'est une espèce de compilation de vieux spéciaux, finalement. Où t'as le Discovery qui, nous, ça ne nous a pas choqué, mais on s'est dit, le Discovery est revenu un peu dans la continuité, c'est-à-dire qu'il s'est débarrassé du moteur sporique. Donc, il n'y a plus de moteur sporique, il est revenu dans ce mode de propulsion, de moteur à distorsion, c'est ça? Et puis, ouais, une suite d'images, pas vraiment d'histoire, quelques indices. C'est plus un teaser qu'un vrai trailer pour moi. Oh, c'est un teaser. On nous a mis. Ça fait vraiment. On a pris tous les effets spéciaux qui sont bien. On vous les colle et regardez, ça va être bien. Et dans l'histoire, on n'en sait pas plus. Ouais, donc on va attendre le deuxième. Je pense qu'on va quand même le regarder parce que c'est Star Trek Discovery. Après, ils ont peut-être fait ça justement pour pas nous spoiler la suite de la série. C'est ça. Mais il y aura un deuxième trailer. Je pense qu'il y aura plus d'images et plus de contenu. Je voulais faire une petite aparté sur une news de Star Trek que j'ai appris ce matin. C'est qu'apparemment, Patrick Stewart va reprendre le rôle de Jean-Luc Picard pour une nouvelle série Star Trek. Il est pas mort, Stewart. Il semblait qu'il avait été mort dans Logan. Il avait été tué par le double de Wolverine. Donc voilà quoi, Picard qui revient, un personnage que j'ai beaucoup beaucoup aimé, que ce soit dans les séries ou dans le cinéma. T'as un petit commentaire à dire sur le retour de Patrick Stewart? Moi, je suis désolé, Patrick Stewart, n'importe quoi dans ce qu'il joue, moi je l'adore. Donc, je suis parti pris. Il est vraiment excellent, c'est vraiment un super acteur. Je suis d'accord qu'il joue plus ou moins la même chose, mais putain, moi, à chaque fois, j'y crois, quoi. Il a joué Xavier, j'y ai cru. Il a joué Picard, j'y ai cru. Voilà, Picard, il va remonter un peu, il va jouer un ch'ti, je le croirais, mais voilà, quoi. C'est quelque chose, je sais pas. Moi, c'est un acteur que j'ai une grande empathie pour lui. Peut-être pas forcément mérité, mais moi, je le vois, je suis content. Moi aussi, j'ai une grande sympathie, même s'il a il a un peu fait de l'ombre à mon capitaine préféré, mais c'est pas grave. Mais c'est pour dire que moi j'attends des nouvelles et puis de savoir ce que ça va donner cette nouvelle série, vu que apparemment CBS va développer sur sa plateforme de nouvelles séries, un peu comme Disney qui va préparer sa plateforme. D'ailleurs, si on peut parler un peu de Star Wars, il y a The Clone Wars qui est aussi sorti, l'espèce de teaser là. Donc il y a une nouvelle saison de Clone Wars. J'ai dit ça va, alors on ressort les vieux trucs pour parce qu'on n'a pas d'imagination et au lieu de faire je suis pas d'accord. Ah bon? Moi, je trouve que les trucs genre Clone Wars ou Rebels ou etc. sont beaucoup mieux tournés que les films. Il y a plus d'intrigue, plus d'ambiance, plus d'explications, plus d'esprit Jedi, plus de trucs comme ça. Et franchement, je m'y retrouve mieux, moi, dans ces séries animées que dans les deux derniers films. Ouais, mais moi, ce que je disais, c'est que tu ressors un peu du réchauffé. Au lieu de faire une nouvelle série, tu fais la continuité d'une série qui a terminé il y a 5 ans, quoi. Ah mais en même temps c'est mieux tourné parce qu'ils ont plus de liberté donc en forcément... plus en parallèle t'as une autre série qui doit arriver, on n'a pas eu de vidéo, c'est à dire qu'il y a Star Wars Resistance qui doit arriver. Ça c'est une série où il y aura Poe Dameron et toute la clique avec Phasma et Hux et tout ça. Bon, déjà là je suis moins pressé. Tout à coup quand on parle de Phasma et de Hux, le thermomètre tombe. Mais ah bon. Ouais là c'est retombé. On est refroidi direct, mais je suis curieux de savoir ce que c'est que cette nouvelle série Resistance. Moi Clone Wars j'ai pas du tout accroché, mais Anakin et Obi-Wan, c'est quoi? C'est l'épisode 3, mais après, t'aimes bien ce format animé, toi? T'avais suivi, toi? Moi, je trouve ça plus intéressant parce que, comme ils ont beaucoup d'épisodes, ils ont le temps de développer beaucoup d'histoires, même en parallèle. Bon, à part. Là, y a pas beaucoup d'épisodes. Le retour de Maul qui est complètement capillotracté, mais sinon. Ouais, puis en plus, dans Rebels, je veux pas vous spoiler, mais il y a des trucs genre, je suis un Sith, je suis méchant, tiens, je vais t'aider à trouver ton artefact. tu le mec, quoi, t'es un Sith. Mais bon, voilà, c'est des trucs un peu. Qui pêche comme ça. Mais c'est intéressant, tu as regardé Rebels et Clone Wars parce que moi j'ai vu quelques épisodes et j'ai pas suivi en tout, donc je peux pas te dire si c'est bon ou si c'est mauvais. Les Star Wars qui sont sortis dans les années 70 et 80, c'est-à-dire que c'est pas manichéen, c'est pas blanc, c'est pas noir, il y a du gris. Mais il y a beaucoup de fanservice dans les dans les séries animées. C'est du Star Wars, donc déjà, t'auras que du fanservice. Donc, Star Wars égale fanservice, quand même. Produit dérivé et fanservice. Ouais. Donc, voilà un petit peu la parenthèse. Et puis, en parallèle, on peut dire que depuis le 1er août, y a l'épisode 9 qu'on attend avec une certaine impatience, qui vient de commencer le tournage. Bah, vous savez, c'est un peu comme un rendez-vous chez le dentiste, l'épisode 9. C'est-à-dire que t'es pas très impatient d'y aller. Mais t'as envie d'y aller pour arrêter obligé, que ta carie elle te fait mal. Parce que tu sais qu'après tu vas troller. Ah non, tu sais que ta carie elle te fait mal et qu'une fois que ce sera arraché, ça sera bon. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais c'est surtout pour troller. Donc au casting, on retrouve John Boyega, ce fabuleux acteur qui aurait dû crever dans le 8. Ouais, je pense que sur Star Wars, de toute façon, on va devoir couper là parce que ça vaut pas le coup de revenir dessus. Non, mais c'est vrai, revenez sur notre épisode précédent. Ouais, Star Wars, on va avoir du mal, de toute façon, à faire un podcast sans en parler parce que, On va revenir sur la trilogie complète. Quand on dit aux fans, penche-toi en avant et tous, Tout à fait. Bon, allez, comme tu dis, on va pas perdre notre temps là-dessus. Ouais, si tu veux parler du trailer de Titan. Alors Titans, je vais dire Titans parce que pour ceux qui connaissent les Teen Titans, ça va mieux leur parler. Okay. Bah tout est dit dans l'intro, hein, Teen Titans. Donc là, ça se concentre plus sur Robin et Raven, donc Robin et Raven. Je me rappelle plus, on voit un petit peu Starfire aussi, il me semble, mais je suis pas sûr. Ouais, je sais plus, moi, ça m'a pas du tout intéressé. Moi. Deux, trois images de Changelin, mais j'ai l'impression qu'ils ont tourné ça un peu, genre un film d'horreur, un peu comme ils avaient fait avec... quoi ce machin ? Les Nouveaux Mutants, là, tu veux dire ? Ouais, avec New Mutants, un truc dans le genre, tu sais, ils savent pas trop où aller, alors du coup, ils ont dit, bon, les ados, ça a l'air vraiment de s'adresser aux ados, par contre. Ouais, c'est très, très sombre. C'est super sombre, regardez comme on est dark. Ouais, et puis après, Robin qui dit, je sais plus, fuck Batman ou un truc comme ça. Oh. Juste pour dire... Ouais, les juste ados, pour faire le buzz, quoi. Ouais, pour dire je suis un ado, je suis un rebelle. Alors moi, j'ai pas l'impression que je sois encore une fois le public concerné par ça. Mm. Bah, c'est con parce que moi, Trigun, c'est l'un des méchants que je préfère. Donc, forcément, ça m'aurait plu de voir un petit peu comment ils arrivent à se dépatouiller avec ça. Mais sans plus, quoi. Je vais pas me précipiter pour aller voir ça. Je crois que c'est un peu les séries style Flash, Arrow. Allez, séries Flash, Arrow, Legend of Tomorrow et Supergirl, c'est encore des trucs Black qui Lightning. Restent légers. Black Lightning, ça existe pas, ça. J'aurais préféré avoir un John Static ou un truc dans le genre. Ouais, mais... ouais. Teen Titans, c'était un dessin animé, ça, non ? En fait, non. Et Teen Titans, au début, c'est une BD. D'accord. Quand même assez sérieuse. Il y a un dessin animé qui est quand même connu. Ouais, il y a un dessin animé qui était connu parce qu'il était tourné avec l'esprit manga. D'accord. Ce qui fait qu'ils n'ont pas pu te faire crossover avec les autres héros. Parce que forcément, c'était tourné comme un manga, quoi. Donc, et après, il y a Teen Titans Go, mais cette série n'existe pas. Elle n'est jamais sortie. C'est mauvais, ça veut dire. Ah, c'est complètement débile. Hein. D'accord. Donc, Titans, entre le film d'horreur et le truc pour ado, genre à la toilette. Twilight, ouais. Ou Mortal Engine, là, donc on a vu le trailer il y a deux minutes, là. On va parler de Orville. Orville, moi je peux vous conseiller la première saison. C'est beaucoup plus sérieux que ce que je pensais. C'est-à-dire qu'il y a quand même des épisodes d'humour, mais l'humour, même si des fois il est mal dosé, il est jamais lourd pour dire hey, regarde, on fait de l'humour, poète. Non, c'est jamais comme ça. C'est-à-dire qu'il y a de l'humour, il y a quand même beaucoup de questions sur notre société, l'évolution, il y a des thèmes qui sont abordés, franchement, qui sont originaux. Ça m'a fait penser aux meilleures années de Star Trek, moi. Bah, il paraît que ce serait un petit peu ressemblant à Next Generation. Ouais, moi j'aurais dit même des fois ressemblant au premier Star Trek, c'est-à-dire quand ils voyagent dans le monde en deux dimensions, c'était vraiment bien tourné l'intrigue. Et c'est des trucs, franchement, il y a quand même des blessés, il y a quand même des trucs graves, il y a quand même la peine de mort qui est remise en cause, etc. Et après, t'as des éléments comiques aussi. Hein. Ça reste, c'est marrant parce que c'est pas des surhommes, ils font des conneries, ils font des bourdes et puis ils essayent de réparer. Quoi. Bah, l'équipage est quand même déjanté, hein. Il y en a. Mais non, justement, il est pas déjanté. Il est humoristique, mais pas déjanté. Chacun a son caractère, mais ça part jamais dans la folle histoire de l'espace. Ça reste quand même. Ouais. Bah, attends, alors je vais mettre des gros guillemets, crédible. Donc la série qui est avec Seth MacFarlane dans le rôle du capitaine, et cette saison 2, c'est un trailer qui est quand même pas mal blindé d'action, je dirais. Il y a pas mal de séquences spatiales. Il y en a une qui m'a fait penser à Star Trek Nemesis d'ailleurs. Bah, dans l'ensemble, c'est une saison 2 qui va être quand même assez rythmée, quoi. Bah, d'après ce que j'avais lu, de toute façon, la saison 2 devait pas sortir avant 2020. Fabien m'a montré, apparemment, ça sortait sur une. Ça sortait sur la Fox. Et sachant que, c'est normalement, ça sortait sur une plateforme. Ils ont récupéré, la série, c'est qu'elle marche, quoi. C'est que les fans en ont réclamé. Parce que, un, ils la sortent plus tôt. Deux, ils la sortent sur la Fox. Alors, moi, je vais suivre The Orville parce que j'avais vraiment bien aimé la saison 1. Après, il y avait des thèmes légers abordés, il y avait quand même des thèmes graves abordés, comme la religion qui était très, très, très bien abordée. Et franchement, moi, je peux vous le conseiller. C'est quelque chose qui fait réfléchir. Pas la Star Trek non plus, hein. Ça reste quand même avec de l'humour, etc. T'as une pastiche, quoi. Mais il y a des moments où on se dit, tu as un mélange entre Stargate, un truc un petit peu comique, et Star Trek. Mais sinon, non, c'est une série, moi, que personnellement, saison 1, je vous la conseille, et saison 2, bah, le trailer m'a donné envie, mais c'est plus la saison 1 qui m'a donné envie de voir une saison 2. Bon, écoute, on a fini pour ces trailers, et c'est déjà pas mal, hein, plus d'une demi-heure sur les trailers, à commenter les trailers. Et on va passer à nos petites critiques vite faites. Je te propose qu'on commence par, on parle de Godzilla, et on va parler du second épisode. Godzilla, Monster Planet, le premier épisode qui est sorti l'année dernière. Et là, c'est la cité au bord de la guerre, un truc comme ça, quelque chose comme ça. On prend là où le personnage de, je sais plus son nom. Haruo était tombé dans les vapes. Après la défaite contre le Godzilla de, il y a 300 mètres de haut, c'est ça? Non, de 200 mètres de haut. Ouais, enfin 100 mètres près. Mais non, justement, c'est important parce que en fait, ouais, voilà, et ça s'arrête à l'épisode où ils battent Godzilla, c'est-à-dire qu'il le bute, quoi. Puis t'as un deuxième Godzilla beaucoup plus grand qui apparaît et un coup de queue comme Rocco et tout le monde décolle. C'est vrai que tout le monde dégage et puis ils sont obligés donc de s'exiler, s'échapper de. Non, c'est encore pire. Tout le monde est KO. En fait, et normalement ils sont censés être tous crevés, sauf qu'ils se font aider par un Deus Ex Machina, on va dire. Oui, ça aussi, ouais, c'est le peuple villageois, là, peuple insecte. Ils ont un peu des pouvoirs mentaux. Ouais, dû à. On va spoiler à mort, on va être obligé. Hein. Bah ouais, on va spoiler un petit peu, ouais. On va pas avoir le choix, dû à l'œuf, en fait. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est bien, comme ça vous pouvez regarder, vous saurez un peu ce que c'est l'œuf. Puis ceux qui connaissent, ils ont reconnu c'est quoi l'œuf. T'as vu à quel point je suis motivé pour pas parler du film. Tellement j'ai aimé. Mais bon. En fait, le film est. Le premier, ça allait, hein. Il y avait de l'action, il y avait de la mise en place, etc. Ouais. Le deuxième, c'est bavard, mais bavard. Il se passe rien avant 1h10, j'ai bien regardé le compteur. Hein. En fait, t'as que les 20 dernières minutes à regarder, en gros, quoi, avoir de l'action. Parce que tout le reste, c'est d'un ennui, c'est d'un bavard. Et pourtant, moi, j'aime bien les mangas, je sais que c'est toujours bavard à un moment. Sauf que normalement, un manga, c'est scène d'action, bavard, scène d'action. Bah là, c'est bavard, scène d'action. C'est plat pendant plus d'une heure, il se passe rien. Moi, je me suis presque endormi, j'avoue. Mais c'est bavard. Et puis, ils utilisent un jargon qui est un peu difficile à comprendre, des fois. Puis, ils arrivent dans une espèce de cité qui est vivante. Pour moi, elle est vivante. Hein. La nanotechnologie... C'est du nanométal. C'est-à-dire que Mechagodzilla... Là, ça va, je suis rassuré sur Mechagodzilla. Ouais, ouais. Parce que Mechagodzilla avait été pulvérisé par Godzilla en cours de création. Le cerveau de Mechagodzilla a survécu et il crée du nanométal en absorbant, en fait, l'environnement aux alentours pour pouvoir... transformer n'importe quoi en ce nanométal. Ouais, il y a une espèce de cité vivante, quoi, en quelque voilà, sorte. Voilà, c'est Mecha-Godzilla City. Il y a un peu des conflits entre les soldats, c'est-à-dire que t'as les espèces de gros balèzes, là, je sais plus comment ils s'appellent. Ouais, t'as des extraterrestres qui sont que pour la technologie, t'as les humains, et t'as les extraterrestres qui sont religieux, on va dire. T'as les conflits, quoi, ouais. Et en fait, t'as un conflit entre les trois, et puis, les super méchants, c'était ceux qui croient et qui ont foi qu'en la technologie, parce qu'ils deviennent des monstres à cause de leur technologie qui a évolué. Enfin, on voit tout arriver de loin quand même. Ah ouais, littéralement. Alors là, des gros sabots. C'est les gros sabots. Quoi. Ah, vraiment les gros sabots. Ouais. Venir. Un exemple flagrant, et ça va tout vous résumer. Il y a un moment, les oiseaux qui tombent du ciel se font absorber par la cité pour transformer en métal. Enfin, les oiseaux à la Godzilla. Et là, tu te dis, les autres, ils vont y passer aussi. Et puis, paf, les autres, ils y passent aussi. Ouais, puis l'originalité au niveau des designs des robots, enfin des mechas géants. Non, mais excuse-moi, mais moi, j'ai tout de suite pensé à Gundam, quoi. Ah, de toute façon, ouais, alors le mecha, les trois mechas, c'est du Gundam. C'est Gundam dans l'animation, c'est du Gundam dans les bruitages, et c'est du Pat Patrol dans le mécanisme. Oui, il y a aussi Pat Labor, Pat Labor, non merde, Pat Patrol, c'est pas du mec. Pat Labor, je me souviens ce que tu veux, avec ses gros flingues, là. Ah, puis la fin avec le Godzilla, ils essaient de le piéger, bon, c'est bien beau, mais tu sens que ils vont pas réussir à le tuer, quoi. Non, puis tu sens qu'il va changer d'avis, l'autre. Là, tu le vois arriver gros comme une maison. Donc, un épisode sans surprise, déjà, t'as plus la surprise du 1, parce que forcément, il est passé. Il y a plus de suspense, je trouve qu'il y a plus de suspense quand tout l'environnement y est repassé, et puis, ça fait un peu, faudrait relancer un petit peu, et puis, t'inquiète pas, on va faire une cité qui a évolué depuis 20 000 ans. Ouais, c'est ça roule. Par moment, je trouve que c'est très mélo, on voit qu'il renforce par la musique, tout ça, l'ambiance entre les personnages, il y a aussi l'histoire d'amour qui est un peu convenue aussi. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? C'est japonais, hein, c'est-à-dire on a le pouvoir de détruire Godzilla, mais on va devenir des monstres, alors on le fait pas. Ouais, c'est donc très philosophique. Tu vas crever, quoi. C'est un peu comme dans Resurgence, quoi. Ça n'a pas existé, ce film. non, non. Même, je trouve que le 3D de Godzilla, il est pas ouf. Hein. Il est bizarre un peu la texture. Hein, ouais, il est pas ouf le Godzilla. Ouais. Il m'impressionne quand il est posé sur la 2D, on va dire. Il y a quelque chose qui visuellement me choque un peu, mais bon, c'est peut-être ma vision. Hein. Non, le contraste des images il est pas bon. C'est-à-dire qu'il y a pas y a pas de bonne transition. Autant dans les scènes de baston dans le premier, il y avait une transition entre la 2D et la 3D. Là, les transitions sont brutes. C'est-à-dire que t'as une coupe, paf, tu passes en 3D. Et non, ça pêche. Enfin, moi personnellement, j'ai trouvé que ça pêchait, que c'était très bavard, très long. Puis même la scène d'action à la fin, elle est pas ouf non plus. Ah non, elle est pas terrible. Et puis ils annoncent un peu la couleur avec Ghidorah dans la scène post-générique. Mais ouais, puis Mothra avec l'œuf aussi. T'as peut-être repéré d'autres références dans le long métrage. Ouais, les deux jumelles quoi, qui sont là pour faire la conscience de Mothra. Mmh. Parce que Mothra, en fait, quand il est en œuf, il communique toujours avec deux jumelles. Et puis bah voilà, ouais, t'as deux jumelles aussi. Oui, un Mecha Godzilla aussi, mais on voit que son cerveau, donc là ça va. Je pensais qu'ils allaient faire l'erreur de le Mecha Godzilla qu'ils avaient créé, qui faisait 100 mètres de haut. De le ressusciter, tu veux dire? Ouais, genre de le ressusciter, il fait 300 mètres aussi, comme par hasard. T'as, là, ça me fait chier. Ça t'aurait rappelé Mazinger Z Infinity. Ouais, voilà. Ouais. Qui est plus grand que l'espace, bientôt. Tout d'un coup, il devient énorme, le mec. Donc là, ils ont eu la présence d'esprit de pas partir sur un truc aussi capillotracté. Ouais, ça c'est le seul point positif, parce que il y a énormément de défauts dans ce film, et comme tu dis, c'est super bavard, et bah voilà quoi, on va regarder le 3 mais sans plus quoi. En pointillé. Bah je vais te laisser un petit peu parler de ce que tu as vu récemment, comme Hôtel Transylvania ou Les Indestructibles numéro 2. Alors Hôtel Transylvania 3, on va commencer par lui parce que bah c'est le plus rapide. Que puis-je faire pour vous, Seigneur des Ténèbres ? Je cherche le grand amour. Vous cherchez une grande armure. Non, non, ce que je veux, c'est l'amour d'une femme. Vous voulez le mur d'une ferme. Ce n'est pas ce que j'ai dit, je veux faire une rencontre. Je veux de l'amour. Je comprends. Vous voulez des rats morts. Scénario convenu, c'est pour les enfants, c'est des blagues à base de prout. C'est pour les gosses. C'est pipi-caca, quoi. Voilà, c'est bah, pipi-caca, pas à ce point-là, mais c'est des blagues à base de prout et la famille, c'est important. Bah, je crois que je vous ai résumé l'épisode, là. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Moi, je peux vous dire que si vous avez un petit entre 6 et 10 ans, ils vont s'éclater, parce que les miens sont éclatés. Moi, j'ai passé un moment correct, j'ai bien aimé le popcorn, et puis ça passait le temps. L'essentiel, c'est de passer un bon moment avec ses enfants, quoi. Ouais, c'est pour consommer un petit peu un divertissement avec tes gosses sans se prendre la tête, quoi. C'est ça. Cherchez pas à réfléchir, hein, y a pas besoin. Indestructible numéro 2, c'était déjà un peu mieux fait. Il y a des bons points dans ce film, il y a des mauvais points aussi. Bon point, c'est que ils ont eu la bonne idée que la héroïne, c'est pas Monsieur Indestructible, en fait, c'est Elastigirl. Donc l'idée était superbe. Comme ça, c'est pas redondant avec le premier. D'accord. Parce que si c'est encore le mâle alpha, Monsieur Indestructible, qui sauve la situation, etc., ça aurait été un peu chiant. Et à la fin, le Deus Ex Machina avec Jack, on le voit arriver de loin. Mais sinon, à la fin, les gosses, ils aident leurs parents, hein, comme dans le premier, mais ils savent aussi se mettre en retrait. Et on comprend pourquoi ils se mettent en retrait. Je veux pas trop vous spoiler la fin. Mais non, c'est bien tourné. C'est une bonne surprise. C'est pas aussi bien que le premier, parce que de toute façon, le premier, ça faisait une bonne surprise aussi. Donc y a plus l'effet de surprise. Après, les enjeux sont pas ouf, hein. Y a pas question de sauver le monde ou des trucs comme ça. C'est plus sauver du local. Mais sinon, c'est mieux divertissant qu'un Hôtel Transylvanie, avec des passages quand même assez marrant, hein, surtout quand le père est épuisé par Jack, parce que il a tellement de pouvoir, il pétait de pouvoir ce gosse, alors forcément il dort plus. Et puis le passage avec Edna, c'est trop drôle. La vie ne peut pas être contenue. Moi, je vais dire quelques mots sur Jurassic World, Fallen Kingdom. Donc, toi, tu as vu Jurassic World le premier. T'avais aimé ou t'avais trouvé ça mauvais? J'ai adoré le générique de fin. D'accord. Je me suis ennuyé à mourir dans ce film. Tu vois tout arriver de loin. C'est ça. Donc, on est un peu dans la même veine. C'est-à-dire qu'on a des scènes hyper convenues. Il y a des scènes même pas de suspense parce que tu vois tout arriver de loin. T'as des personnages qui sont vraiment ridicules, qui sont moches. Les méchants, on sent bien qu'ils sont méchants. C'est comme dans Rampage, hein, c'est marqué sur leur gueule qu'ils sont méchants. C'est un peu style Rampage. Je pensais à Rampage quand j'ai vu ce Jurassic World. Bon, moi, j'ai bien aimé les acteurs, quoique ils soient un peu dans la facilité. On retrouve quand même Chris Pratt et Bryce Dallas Howard. Il n'a pas été effacé par Thanos, Chris Pratt. Non, c'est vrai que dans les Gardiens de la Galaxie, il reste qui? Il reste Nebula et Rocket, c'est ça? D'accord. Donc il a dégagé, mais de toute façon, il m'énervait dans Avengers. Il est vraiment bête. Star-Lord, il est bête dans ce film-là. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas aimé la tournure qu'a pris Avengers, je peux vous conseiller le comment ça aurait dû finir d'Avengers qu'ils ont sorti sur le site de Ish, parce que franchement il est tordant. Voilà quoi, pour je vais pas m'extasier. Bon, les effets spéciaux sont toujours aussi bons. On a les scènes habituelles du T-Rex, parce que c'est quand même l'attraction du film. Il y a un nouveau Raptor encore plus virulent et plus intelligent que le précédent. Bon, Chris Pratt il est pote avec un dinosaure, mais le dinosaure apparemment il doit avoir une connexion mentale, parce que chaque fois qu'il est en danger il arrive à le sauver. Puis bon, il y a une scène dans un manoir, mais moi j'ai bien aimé quelques scènes, mais dans l'ensemble j'ai l'impression quand même que c'est du réchauffé avec les trois premiers, quoi. Un spectacle divertissant, ouais, et encore vite oubliable, quoi, je dirais. Ouais, on est encore en train de tuer une licence. Oui, comme tu dis, c'est on essore la licence jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, quoi. Et puis il y aura certainement un troisième, parce que on est parti vers la trilogie. Il y a même la fin le laisse supposer. Pas trop envie de m'étaler, parce que bon, si vous avez envie de le voir, allez le voir. Dans la saga, pour moi, il y a franchement que le premier qui est intéressant, quoi. Que ce soit au niveau de l'histoire, au niveau de visuel. Le premier de 93. Ouais. Celui-là, c'est vraiment un modèle de film. Donc déjà Spielberg à la base. Moi, c'est le seul que je garderai dans ma DVD, c'est le Jurassic Park de Spielberg. Puis le reste, bah, il est bon à le foutre à la poubelle, quoi. Voilà, bah, pour, on a eu à dire sur les différents films, à moins que tu aies vu quelque chose d'autre que j'ai pas mentionné. Bah non, parce que sinon j'en aurais parlé, ou alors ouais. C'est des trucs oubliables, donc on va les oublier. On va terminer cette pastille trailers actu. Donc voilà, hein, c'est fini pour cette partie, on va dire actualité, hein, qui correspond avec les trailers et un peu l'actu de juillet, parce que bah, nous aussi on prend des vacances. Hein. Donc là on est de retour en août, et puis on va vous servir... d'autres choses, un peu, hein, comme bah, peut-être la critique, un de ces jours, de Ant-Man and the Wasp. Vous l'avez équipé d'ailes ? Et de blaster, oui. J'imagine que ces options n'étaient pas encore au point pour moi. Bien sûr que si. Merci d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout, et j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez laisser des commentaires sur la page Facebook dédiée et la partager pour la faire connaître. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle pastille.